il a de cela 20 ans, les démons, après une lune de sang, sont remontés des enfers et ont visiblement envahi notre monde. Les seuls survivants de cette invasion ont été ceux qui se sont réfugiés dans des églises ou sur des bateaux en dehors de tout continent. L'intégralité des personnes ayant croisé le fer avec les démons sont morts, et l'intégralité des personnes ayant croisé les démons, les fameux du regard, sont devenus complètement fous. Ce qui fait que de tous les survivants, personne ne saurait dire à quoi ces derniers ressemblent. En tout cas, ressembler, puisque assez rapidement, en l'espace de 6 mois environ, les lunes de sang ont été complètement abolies. Visiblement, des actions perpétrées par certains héros, des chevaliers ici et là, des religieux et autres ont permis de bloquer les chemins entre les enfers et le monde des mortels. Malheureusement, depuis, même si les démons ne sont plus là, le monde souffre d'un mal tout nouveau, qui est une espèce de peste, une épidémie comme l'humanité n'en a connu aucune autre. Alors que, malgré tout, donc nous sommes au 14e siècle, nous nous relevons de plusieurs épidémies de peste ayant survenu il y a cela moins d'un siècle, de peste noire, qui ont ravagé la population. On se retrouve là face à un mal qui va contaminer les gens, leur donner des veines noires et se répandre petit à petit sur leur corps. Et cette épidémie est encore plus dangereuse puisque comparée à la peste, qui déjà était extrêmement mortelle, personne, je dis bien personne, ne survit jamais à la peste des morts, ou la peste des enfers, comme certains aiment l'appeler. Ce qui fait que dès que quelqu'un présente certains des symptômes, se met à cracher un liquide noirâtre ou commence à présenter des veines d'une certaine couleur, il est automatiquement rejeté par ses congénères. Il est perdu d'avance, et tout le monde ne craint qu'une chose, être contaminé à son tour. D'ailleurs, officiellement, les moines vous diront que si jamais vous avez été contaminé, c'est parce que vous n'aviez pas la foi. Et c'est ce que continueront de dire la grande majorité des habitants d'Europe. Même si, officieusement, la plupart des gens ont quand même compris, ont fait la corrélation, en tout cas le lien, entre les grands groupes de population, les malades et les épidémies qui en suivent. Ce qui a donc eu pour conséquence, même si personne n'ose le dire, de fermer les villages. Depuis quasiment plus de 20 ans, certaines colonies ne sont ouvertes à personne d'autre, de peur à ce que de nouveaux contaminés rejoignent les villes. Vous avez donc des routes complètement désertes et des villages tirant à vue sur n'importe quel voyageur montrant un quelconque signe de vie aux horizons. Certains sont plus ouverts, d'autres moins. Ça dépend. Et c'est sur l'une de ces routes que nous allons commencer notre partie. Vous avez chacun reçu quelques informations en privé concernant vos personnages, vos motivations et autres. Nous aurons l'occasion d'en reparler éventuellement en message, si jamais vous voulez pas mettre au courant les autres, ou même à l'oral si ce sont des informations que vous pouvez divulguer sans trop de problèmes. Également entre les parties, nous pourrons essayer d'affiner tout ça, puisque la plupart d'entre vous jouent des prétirés. Les autres ont repris leurs anciens personnages, en tout cas c'est le cas pour Kame, qui va le jouer avec toi 20 ans d'écart depuis la dernière partie. Et c'est justement ce personnage-là qui se trouve actuellement sur une route complètement déserte. Il est accompagné d'un genre de chevalier en armure. En fait, si quelqu'un passait dans les parages, il apercevrait seulement au loin ces deux silhouettes. Celle du moine avec sa tenue crasseuse, vieille et délavée, arborant un crucifix et transportant des livres. Et à côté, la silhouette très massive du chevalier en armure. À chacun de ses pas, on peut d'ailleurs entendre cette dernière faire de nombreux bruits, des plaques qui s'entrechoquent entre elles. Et c'est l'un des seuls bruits que l'on peut entendre dans les parages. Éventuellement quelques bêtes, quelques oiseaux au loin. C'est vrai qu'en plus de 20 ans, finalement, la nature a pu énormément reprendre court et a pu reprendre la quasi-intégralité de ses droits. Les routes étant déjà très peu peuplées, forcément à l'époque non goudronnées, on se retrouve face à des petits chemins recouverts d'herbes, des arbres qui sont tombés sur les routes et qui n'ont jamais été enlevés. Aux abords de cette vieille route qu'empruntent nos héros, on peut apercevoir quelques ruisseaux desséchés, quelques montagnes au loin de la brume, un temps assez humide, assez froid. À peu près tout le monde a perdu le compte des jours depuis le temps. La civilisation a du mal à reprendre ses droits, mais on peut penser qu'on est environ en automne, voire le début de l'hiver même. Sur le bas-côté, ils aperçoivent le cadavre d'une biche. Le cadavre, pas vraiment, ils peuvent encore l'entendre gémir un petit peu. Cette dernière a la patte bloquée sous un arbre qui visiblement s'est effondré sur elle. Et de nombreux oiseaux, comme des corbeaux, en profitent pour la dévorer à moitié vivante. Mais à l'approche des voyageurs, ces derniers prennent leur envol. Effrayés. Ils vont s'éloigner et survoler toute la plaine. Passer au-delà de la forêt que s'apprêtent à emprunter nos personnages. Et au loin se dessinent quelques silhouettes de maisons, ainsi qu'une rivière. Cette rivière par laquelle s'apprêtent à passer nos corbeaux et cette ville est celle d'Acton, c'est la destination de nos personnages. Un petit village avec environ 100-150 habitants. Ce village contient quelques lieux dignes d'intérêt tels qu'un temple, une forteresse, une petite auberge, quelques fermes, un moulin, ce genre d'infrastructure classique. Et alors que ces corbeaux s'apprêtent à survoler et à dépasser la ville, l'un d'entre eux est d'un seul coup piqué par quelque chose en provenance du sol. Un long sifflement jusqu'à ce que la flèche ne le transperce. Aussitôt, il tombe en pique et vient s'écraser au milieu des champs. Quelques instants plus tard, il est ramassé par la silhouette d'un orme à forte carrure. 1m90, 2m peut-être. Des épaules très larges. Il s'agit visiblement là d'un chasseur qui ramasse sa proie et va l'accrocher à sa ceinture, ces derniers rejoignant une fouine et un genre de lièvre. Juste après ça, il se rend, lui-même du coup avec sa nouvelle proie, jusqu'au marché du village où il va échanger ses petites bêtes contre quelques pièces d'or. Pour ses 3 animaux, il en tiendra 4 pièces, tout au plus. Ces mêmes pièces, il va les échanger à un autre marchand, contre qui il va acheter de l'eau. Le marchand en question, lui, de ce qu'il vient de tenir, tentera de se rendre à l'auberge jusqu'à ce qu'il se fasse subtiliser sa bourse par certains des enfants des rues qui se dirigent, eux, en direction des vieux quartiers. Sur le passage, il croise la silhouette d'une criminelle, assez habituée et assez reconnue en ville. Elle arbore toujours un genre de foulard. Elle est plutôt petite et relativement maigre. D'ailleurs, elle leur fait un petit signe de regard en les voyant passer. L'air de dire « c'est bien ». Ces derniers se rendent alors jusqu'à leur famille, qui se trouve dans les vieux quartiers. Les vieux quartiers qui sont vraiment ceux les plus pauvres d'Acton. On y voit des gens extrêmement maigres, extrêmement faibles et fatigués. Des vieillards qui boitent, des femmes qui toussent. L'un de ses enfants se rejoint d'ailleurs sa famille et va donner ces quelques pièces qu'il a pu subtiliser au marchand à sa mère, qu'il utilisera pour s'occuper de ses 4 ou 5 enfants. À côté de lui, il voit le corps de son père, un homme faible et fragile, qui a l'air d'être également malade. Heureusement pour lui, la maladie qui a pris possession de son corps n'est pas celle qui fait qu'on est chassé du village. Il sait très bien au fond de lui qu'il n'a aucune chance de s'en sortir, mais au moins il lui reste encore quelques semaines, voire même peut-être quelques mois pour s'occuper de sa famille avant que son fils aîné ne doive prendre le relais. Le garde se dirige alors en direction de la caserne où il va enfiler une tenue, une espèce de petite côte de maille et un home. En effet, ce malade a réussi à trouver un poste très particulier au sein de la garde. Étant donné qu'il est malade, on lui demande lui-même d'aller fouiller et inspecter les gens qui essayent de se rendre en ville. Si jamais il venait à trouver un pestiféré, il devrait l'exécuter sur le champ avant de se donner la mort. Si jamais tout va bien, il peut les laisser passer. En échange de quoi, chaque semaine, on lui reverse quelques pièces d'or pour s'occuper de sa famille. Étant donné qu'il se sait condamné d'avance, il a jugé ça comme étant un pacte relativement intéressant. Et pour les autres gardes, ça leur évite de prendre des risques inutiles et d'approcher des gens potentiellement contaminés. D'ailleurs, à ce moment-là, son chef, le chef de la garde, Brutz, va le voir et lui clame de se rendre sur la route. Et il paraît que des hommes ont été aperçus il y a quelques heures, au loin, en train de camper. On voyait la fumée de leur feu s'élever dans le ciel. Alors le garde, Frel, se dirige en direction de la vieille route, au nord-ouest de la ville. Il se poste au niveau des écuries et attend là quelques longues minutes, jusqu'à, en sortant de la forêt, apercevoir deux silhouettes, le fameux chevalier en armure, ainsi que le moine. Il s'approche d'eux, place sa main sur son fourreau, prêt à dégainer au cas où il s'agisse là de malades ou de bandits. Pourtant, ces derniers n'ont pas l'air bien nombreux ni fortement équipés. Vous là ! Halte là ! Dit-il d'une voix un peu frêle et hésitante. Messieurs, que faites-vous ? Je disais que moi, personnellement, je me tenais droit, tu sais, la main sur le pommeau. Mais comme d'habitude, généralement, je laisse Gunther décider de l'ambiance de la discussion. Oh. Quand il est là. Salutations, l'ami. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce qui vous amène en ville? Les routes, les chemins. Mais on ne voit pas beaucoup de voyageurs par ici. Vous sentez qu'il essaye presque de jouer la carte de l'intimidation, mais qu'il n'a pas l'air du tout à l'aise dans ce rôle. Ça doit être d'ailleurs en effet le garde le plus mince et gringalé que vous n'ayez jamais vu. Vous pouvez en rajouter deux au compteur. Très bien, je vais vous demander de suivre tout ce que je vais vous dire. Contrôle de routine. Vous comprenez, on ne peut pas laisser n'importe qui se rendre en ville. Pour commencer, j'aurais quelques questions à vous poser. Êtes-vous ou faisiez-vous partie d'un quelconque groupe de bandits ? Pas que je sache. Et vous ? Dit-il en pointant du regard le chevalier. Pas que je sache non plus. Donnez-moi vos noms. Et à ce moment-là, vous le voyez sortir une espèce de liste de sa poche. Je suis Gunther Cronen. Et personnellement, mon nom n'a pas d'importance. Tous ceux qui ont vent de mon existence me connaissent sous le nom de Paladin. Vous le voyez, quelques instants, jeter quelques coups d'œil à la liste. Et au moment où il la range, vous l'entendez grommeler quelque chose comme « Ouais, de toute façon, je sais pas lire. » Très bien. Maintenant, je vais devoir vous demander de... Et vous le voyez, pris d'une espèce de honte ou autre, de vous déshabiller. Il s'agit là d'une inspection corporelle pour vérifier que vous ne possédiez aucune trace d'une quelconque maladie. Oui, très bien. De toute manière, j'ai plus grand-chose à cacher maintenant. Vous le faites ? Il le fait, visiblement. Est-ce que tu valides, Gunther ? Il valide. Hein, tu valides Hunter. Ouais, je valide je sais pas quoi, mais oui. Si tu commences à te déshabiller, du coup, te mettre à nu devant ce garde afin de suivre l'inspection. Ah oui. Ok. À un moment, tu t'apprêtes à enlever ta toge. Vous entendez une voix au loin. Oh là là ! Qu'est-ce que vous faites ? Et vous apercevez le moine Basile. Un homme d'environ 40 ans. Assez maigre, petit. Qui était donc votre contact ici. Vous l'avez d'ailleurs déjà rencontré plusieurs fois dans une auberge avoisinante. Une auberge de route afin de discuter de votre présence et de ce que vous devriez faire sur place. Laisse-les. Il s'adresse aux gardes. Je les connais, ils ont toute ma confiance. Ne vous inquiétez pas, ceci ne sera pas nécessaire avec eux. Vous voyez le garde qui commence à lui parler d'un ton assez étrange. Oui, mais si le capitaine de la garde apprend ça, je veux dire, c'est le protocole, je n'ai pas le choix. Voyons, personne n'en saura rien, vous le savez, tout comme moi. À ce moment-là, le garde acquiesce vaguement du visage et puis retourne en direction de la ville. Et vous vous trouvez donc face à Basile. Bien, excusez-nous pour ce désagrément, vous savez très bien que les gardes sont au vif, surtout ici. Suivez-moi, je vous prie. Nous allons retrouver nos contacts. Et là-dessus, vous vous rendez jusqu'à l'auberge d'Acton. Mais avant tout, il vous remet à chacun d'entre vous une carte de la ville et de ses environs. Vous arrivez donc du nord-ouest, au niveau de la vieille route, celle qui mène jusqu'aux écuries. Et là-dessus, vous traversez les vieux quartiers d'Acton. Vous vous rendez ici pour la première fois. Vous y découvrez de vieilles maisonnettes en bois et en pierre qui ont l'air d'être mal entretenues. En effet, des villageois, de nombreux d'entre eux d'ailleurs, assis par terre dans la rue, au milieu de la crasse. Vous sentez une espèce de vieille odeur d'égout, de purin et de bête. En effet, nombreux d'entre eux, de peur de se les faire voler, vivent avec leurs cochons ou leurs moutons au sein même de leur maison. Vous marchez sur de vieilles rues à pavés, en pierre, au milieu d'une espèce de gadou, avec sans doute un mélange d'excréments et d'urine qui s'étale ainsi sur la totalité de leur route principale. Vous apercevez plusieurs ponts au loin qui semblent passer par-dessus la rivière qui traverse Acton. Cette dernière est appelée l'Infâme. Au loin, vous apercevez également quelques champs et un moulin. Plus, encore plus au loin, quelques forêts, qui elles-mêmes semblent donner sur quelques collines, qui elles-mêmes semblent donner sur quelques montagnes perdues dans la brume. Assez rapidement, vous rentrez dans ce qui semble être un quartier assez fermé à l'intérieur de la ville. Il y a d'ailleurs un garde posté qui semble refuser l'accès à certaines personnes. Il s'agit là du quartier du Troc. Ici, c'est ici que vous pourrez faire l'acquisition et l'échange de la plupart de vos objets. Et de ce fait, cette partie de la ville n'est pas autorisée à tout le monde. Les voleurs ou les mendiants sont d'ailleurs assez communément refusés, même si certains connaissent des moyens d'y rentrer sans que personne d'autre ne le sache vraiment. Des accès, on va dire, annexes. Et non connu de la garde de la ville. Il vous amène jusqu'à une petite auberge, d'où vous provient une espèce de petite odeur de ragoût et d'animal cuit. Ça va faire longtemps que vous n'avez pas mangé de viande. En réalité, tout ce que vous avez pris avant de partir, ce sont de grosses miches de pain humide que vous avez dévorées le long de vos 3-4 jours de marche depuis la dernière ville. Tenez, c'est juste par là. Vous suivez donc Basile, le moine à qui vous aviez déjà parlé plusieurs fois dans les semaines qui viennent, et qui a visiblement autant besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Lorsque vous vous rendez dans l'auberge, vous vous asseyez au niveau d'une petite alcôve, une table un petit peu à l'écart des autres. Au niveau de cette dernière, vous attend deux autres silhouettes. La première est très imposante, très grande. Un homme chauve avec une barbe qui porte une espèce de simple tenue en cuir, un arc, et juste à côté de lui, posé à ses pieds, une espèce de grosse hache de bûcheron. À côté de lui se trouve une jeune femme, relativement petite, qui contraste énormément avec cette espèce de silhouette d'ours qui se trouve juste à côté. Vous la voyez vêtue de haillons, elle porte un bandana et semble cacher éventuellement une arme ou quelque chose comme ça sous ses longs vêtements qui touchent le sol. Vous la sentez plutôt crasseuse et vous vous demandez même presque comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir rentrer ici. À n'en pas douter, en la voyant, vous comprenez qu'elle vient des vieux quartiers. En effet, Basile, le moine, vous avez déjà parlé plusieurs fois des quartiers de la ville. Vous avez, pour commencer, donc ceux que je vous ai déjà décrits, les vieux quartiers, là où s'entassent tous ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui n'ont pas de quoi s'acheter une maison. Vous croisez, il y a également le quartier des fermiers. Comme son nom l'indique, c'est ici que se trouvent les gens qui s'occupent du terrain. Vous avez également le quartier des artisans. C'est là que vous pourrez trouver quelqu'un apte à réparer votre matériel ou à réparer les trous et les fuites d'eau dans votre maison, si toutefois telle est l'une de vos priorités. Enfin, se trouve la place et le quartier des pêcheurs. En effet, tout type de nourriture est bonne à prendre et la pêche en fait partie. Vous êtes donc assis à cette table avec Basile, le moine qui vous a tous contactés individuellement, ainsi que, pour les habitants d'Acton, deux voyageurs qui vous sont méconnus, et pour les deux voyageurs, deux habitants qui vous sont, vous, méconnus. En tout cas, aucun d'entre vous n'est surpris de la présence des autres, même si vous ne les connaissez pas encore, puisque tel était le contrat. En effet, tel vous le répète, Basile, vous n'êtes pas sans savoir que Acton a une certaine réputation qui n'est pas très bonne, il faut l'avouer. En effet, depuis les événements, depuis la grande invasion ayant survenu il y a de cela 20 ans, environ, nous pensions que les démons et autres créatures venues des enfers avaient complètement disparu. Malgré tout, il y a quelques semaines de cela, des villageois ont rapporté la présence d'un fantôme dans le bois aux ours. Au début, nous pensions qu'il s'agissait là simplement de plaisantins, ou peut-être de personnes ayant pour objectif de nous éloigner de ce dernier. Et puis, les mêmes personnes ont commencé à nous rapporter entendre parfois des cris ou des pleurs en provenance, cette fois-ci, du bois au loup. Et on commençait à en déduire qu'il pourrait s'agir là de la même personne. Une espèce de spectre, en effet, un fantôme qui se déplacerait de bois en bois pour se cacher. C'est alors qu'ils sont tombés sur une femme, qu'ils possédaient avec elle un livre, vous voyez à ce moment-là faire un signe de croix, hérétique. Il s'agissait très clairement d'une sorcière. Nous avons donc décidé de l'aider. Elle a été brûlée quelques jours plus tard sur la place publique, sans jugement. Le truc, c'est que le fantôme, lui, personne n'a su quoi en faire. Et certains racontent qu'il est toujours là, à hanter le bois. Alors voyez-vous, nous demandons combien de temps il faudra avant qu'une armée venue d'une contrée lointaine ne décide de brûler le village tout entier, pour cause d'hérésie ou de satanisme. J'ai donc besoin de vous pour enquêter là-dessus. Et soyez-en certains que je vous aiderai également comme je le peux. D'un autre côté, j'ai cru comprendre que vous autres, à ce moment-là, il pointe les deux voyageurs, aviez la possibilité de récupérer quelques informations qui pourraient vous intéresser. Dans ce cas-là, je vous fais confiance. Mon frère, dit-il en s'adressant au moine. Et comme convenu, je vous ai déniché deux personnes de la ville aptes à vous aider. La première ici présente est un chasseur du nom d'Edward. Bonjour, messieurs. Edward connaît avec une relativement bonne précision l'intégralité des bois environnants et vous sera sans doute d'une très bonne aide pour vous y déplacer. Et de l'autre côté, je vous présente Jeanne, qui, elle, connaît énormément de monde en ville et saura vous aiguiller sur les tuyaux et les sources en tout genre. J'ai cru comprendre que vous, dit-il en pointant le chasseur du regard, aviez accepté ma proposition car vous aviez aussi un intérêt personnel, en tout cas, à en savoir plus sur tout ce qui se passait. En effet, sachez que cet homme ici présent fait partie des quelques personnes relativement lucides qui comprennent le danger qui nous guette encore. On ne sait pas ce qui pourrait nous arriver de nouveau. Et enfin, pour notre amie ici présente, nous avons convenu d'un accord avec le chevalier. Et en effet, Gunther et Paladin, vous savez tous les deux que dans les affaires que vous avez transportées, le groupe de Paladin a gentiment accepté de lui fournir deux reliques dorées. Ces dernières sont des artefacts de très grande valeur. Et à toi, ton objectif, Jeanne, étant de t'élever, de sortir de la comment dire, misère d'encombre, et éventuellement de faire évoluer avec, par la même action, plusieurs personnes autour de toi, tes proches en tout cas. Tu as accepté d'aider ces deux voyageurs dans leur quête, en échange de l'un de ces deux artefacts que transporte le chevalier. Tu sais que ce dernier est justement d'une grande valeur et que si tu le revends, pourront tirer de nombreuses pièces d'or qui, elles, te permettront éventuellement d'acheter une maison et quelques bêtes pour pouvoir t'installer. Et pouvoir écouler tes vieux jours, en tout cas une bonne partie de ta vie en sécurité. Très bien, maintenant que je vous ai présenté, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personne ? Je regarde. Je tourne ma tête de manière évidente, vu que mon regard n'est pas directement perceptible, vers Gunther, vu que de toute façon c'est lui qui a la foi pour traiter cette question, donc je pense qu'il est plus apte que moi d'abord de poser les bonnes questions, donc je le questionne du regard. Pas spécialement, si vous avez peut-être quelques détails de plus sur l'historique du problème, ce genre de choses, plus de détails. Eh bien non, nous... Des racontars, je sais pas. Je pense que Jeanne sera plus susceptible que moi de vous aider. Je vois que je passe le plus clair dans mon temps à l'intérieur du temple. Enfin, du temple, si on peut appeler ça comme ça, la plupart des gens qualifient ce dernier d'église. Et je ne sors pas énormément, donc tout ce qui est racontard ou autre, je ne suis pas le mieux placé. Avant toute chose, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'exige de voir la marchandise avant le marché. Tout de suite. Je fouille donc, je suppose que j'ai ça dans le sac que j'ai sur moi. Tu peux le voir sur ton inventaire, tu as les deux reliques. Tout à fait. Je les ai vus. Même s'il y en a une seule que tu es censé donner, la deuxième, elle, tu peux en faire a priori à peu près ce que tu veux. Je n'ai d'ailleurs pas d'indication sur laquelle je dois donner. Non, pas du tout. D'accord. Du coup, je sors le sac, je le mets au niveau de la table, ouvre tout simplement le dessus et laisse déballer à mi-hauteur les deux artefacts. De ton côté, Dan, tu aperçois à l'intérieur du sac, derrière une espèce l'ombre de ce dernier, quelques silhouettes, on dirait des crânes sculptés dans une espèce d'or massif. L'un d'entre eux est orné de piques, tandis que l'autre arbore des plumes, on dirait presque une collerette romaine. Les deux ont comme particularité, en tout cas, d'avoir les yeux bandés. Tu sais, même si cela n'a pas été dit clairement par Basile, qui aimerait éviter de blasphémer, que ces reliques appartiennent à une religion légèrement différente que celle qui est communément pratiquée ici. Malgré tout, tu sais que tu pourras en tirer un certain prix auprès de quelques acheteurs environnants. Votre curiosité est satisfaite ? Allez. Okay. Je remballe et je le remets à mon armure. Dites-moi, frère Gunther et vous, chevalier, avez-vous déjà eu beaucoup à faire à l'hérésie ? Si vous savez, on peut dire que on est spécialiste en la matière maintenant, depuis le temps. Et appelez-moi Paladin. C'est pas très con par ici, Gunther. De quelle contrée venez-vous ? Peut-être du Barrois ? Exactement. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance maintenant ? Vous savez, j'ai même croisé une personne qui venait de bien plus loin. En tout cas, j'apprécie de savoir que frère Basile, vous avez su trouver des personnes qualifiées pour ce que nous allons devoir faire. Bien sûr, et moi je vous remercie d'accepter de nous prêter main forte. Votre aide nous sera clairement cruciale et peut-être découvrirons-nous que nous sommes plus en danger que ce que nous aimerions le croire. Soyez-en certains, même si nous ne pourrons pas, en tout cas, il n'est pas convenu de vous récompenser financièrement directement, que la porte de notre église vous sera toujours ouverte si vous souhaitez vous confesser de quelconque péché ou y trouver refuge en temps plus difficile. Là-dessus, je crois, messieurs, que je vais devoir vous laisser. J'imagine que la première étape pour vous sera d'apprendre, en tout cas d'essayer de trouver des informations concernant ce fameux spectre qui, désormais, a priori, logerait dans l'un de ces bois environnant la ville. À vous de démêler le vrai du faux de ceux qui veulent simplement attirer l'attention sur eux, de ceux qui ont réellement entendu des choses étranges. Et tout ce que je vous demanderai, c'est de tenter de nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs l'unique chose que je vous demanderai en compensation de ce que j'ai pu faire pour vous. Je vous remercie. À ce moment-là, vous le voyez qui vous adresse un geste de la tête et se lève avant de repartir dans la direction opposée et de sortir de la taverne. Autour de vous, vous apercevez quelques paysans déboursant quelques piécettes, dont quelques verres d'alcool, tentant sans doute d'oublier la misère et le climat qui les entoure. Vous en voyez d'autres manger, accablés à leur table. Mais pas de musique, pas de festivité, pas de bonne ambiance. Simplement un bruit lourd, ambiant, des gens qui parlent, des gens qui mangent, des bruits de couverts, des verres qui s'entrechoquent, d'autres posés sur la table, le bruit des boissons qui se remplissent, et l'odeur fumante de la viande, ainsi que les arômes typiques du vin qui s'entremêlent. Vous êtes comme dans une petite alcôve éclairée avec une bougie posée sur la table, donc en effet, dites-moi ce que vous souhaitez faire. Mais bon, messieurs, je pense que vous avez fait un long trajet pour arriver jusqu'ici. Vous voudriez peut-être vous restaurer et boire peut-être quelque chose. Ah oui, bien entendu. Avec plaisir. Écoutez, je m'en vais voir le tenancier pour vous faire apporter quelque chose. Tu t'approches et tu tombes sur une femme assez âgée. En tout cas, relativement âgée pour par les temps qui courent, les gens dépassent rarement la trentaine. Elle semble en avoir, elle, également, à peu près 50. Tu la vois qui se tourne vers toi et... Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que, étant donné que je suis un peu du village, enfin du coin, est-ce que je la connais ? Oui, parce que tu es déjà venu ici quelques fois, peut-être même souvent. Pour vendre certaines de tes marchandises lorsque le marché était fermé. Lorsqu'elle est simplement à toi par ton prénom. Bien le bonjour, ma bonne dame. Dites-moi, j'ai ici avec moi deux voyageurs qui viennent d'arriver en ville et qui aimeraient se restaurer et boire comme il se doit. Serait-il possible de leur servir quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ma foi, du pain, du vin et puis un bon gigot. Un bon gigot, j'espère que vous avez les moyens. Ouais, je vous apporte ça. Écoutez, vous savez que c'est moi qui vous apporte régulièrement ce que vous avez dans les fourneaux. À ce moment-là, tu l'as voir en effet qui se dirige vers la cuisine. Et puis qui revient avec quelques morceaux de pain. Le fameux gigot, quelques minutes plus tard, et en effet, un gros pichet de vin. Puis des petits gobelets. Elle vous les apporte et les pose sur la table. Pour le vin, ça fera 3 pièces d'or, 2 pour le pain et 3 supplémentaires pour le gigot. En effet, vous avez un gigot pour 4. Si vous en voulez plus, ce sera 3 pièces d'or de plus par gigot. Ok. Pour les pièces d'or, vous avez pu voir sur vos fiches que vous avez un petit compteur. Et puisqu'il ne peut pas être mis à jour en temps réel, dites-moi simplement... Lorsque vous en utilisez, je le noterai sur une fiche et je vous le mettrai à jour pour la partie d'après. Donc, simplement. Ah, du coup, ça fait combien de pièces d'or en tout? En tout, ça fait 6 pièces d'or. Ça fait 8 pièces d'or en tout. C'est pas donné, hein. Non, un repas complet est relativement cher puisque relativement rare. Bah, étant donné qu'on est 4 à manger et que bah, on en donne 2 chacun. Je veux bien offrir le vin. Et j'offre le gigot. Allez. Le vin, ça faisait combien? Je sais pas combien il valait le vin. Ouais, le vin valait 3 pièces d'or. Ouais, bah, va pour les 3 pièces d'or pour moi. Il vous reste 5 pièces d'or à dépenser. On m'a entendu? Oui, ouais, le gigot est payé par Gunther. Pendant que tout le monde est en train de partager l'addition, je pique 2 bouts de gigot et je cache dans les manches. Très bien, fais-moi un petit jeu de discrétion, tiens. D'ailleurs, je vais vous expliquer donc le système de jet. C'est tout simple. En fait, j'ai gardé à peu près les mêmes statistiques que la dernière fois. Vous avez un D10. Donc, je vais vous donner la compétence ici, discrétion. Tu le jettes et tu additionnes le résultat avec le nombre de points que tu as déjà. Et tu dois obtenir un résultat supérieur à 10 pour pouvoir réussir. Alors, en effet, tu arrives parfaitement à récupérer quelques morceaux de gigot. Tu en récupéreras même un de la table à côté. Je sais pas trop comment t'as fait, étant donné que vous êtes un peu éloigné des autres, mais dans le mouvement général, t'as réussi sans trop de problèmes à t'en procurer. C'était combien la viande? La viande était également à 3 pièces d'or. C'est 3. 3 pour Gunther. Ok. Donc là, il y a 6. Il y a 6 pièces d'or à payer. Bah, je sors une pièce d'or et je regarde. Les invités ont plus payé que les autres, hein, je dis ça, j'ai rien. C'est gros radin. Bah, après, on les a pas forcés. Ah, mais j'ai réussi mon test de discrétion. Hein. Moi, j'ai rien pris pour le moment. Il y a une dame qui commence à faire. Ah, tu vas faire genre, tu manges pas. Il manque encore une pièce d'or. Ouais, je lui balance la pièce qui manque. Pas les moyens de payer ça. Vous avez pris du gigot, vous assumez. J'ai jamais commandé de gigot. Je lui ai donné, hein. Je te l'ai donné, hein, la pièce. Du coup, à ce moment-là, vous commencez à manger et à discuter entre vous. Certains vont prendre du gigot, d'autres vont boire du vin. D'ailleurs, Gunther, qu'est-ce que tu consommes, toi? Tout ce que je peux. Ça fait un petit moment qu'on est sur la route, on bouffe que du pain dégueulasse, là. Donc, le gigot, je le descends, et pas seulement le gigot. Oui, en effet, vous constatez avec stupeur le prêtre remplir ses gobelets de vin, ce qui est peut-être censé être proscrit, mais vous en êtes pas vraiment sûr, et enchaîner les verres les uns après avec les autres, et résister avec une force remarquable. Dites-moi, frère Gunther. Et visiblement sans trop de gêne, d'ailleurs. Gunther. Mm-hmm. Vous portez une épée. Cela est peu commun chez vos semblables. Comment se fait-il? Je croyais que les prêtres n'étaient pas autorisés à verser le sang. Alors, vous savez, ça a changé un peu depuis le temps tout de même. Un peu, oui. Disons qu'à l'époque, on n'avait pas à craindre le retour des troupes infernales, ce genre de choses. Mais pourtant, est-ce qu'un simple gourdin béni ne suffirait pas à abattre la bête d'un simple geste? Sûrement. Je ne fais que demander, c'est vous le théologien. Sûrement, mais le mieux équipé on est, le mieux préparé on est. Oh, je suis bien d'accord avec le frère. De toute façon, tout est bon pour éradiquer l'hérésie et le mal. Même sacrifier ses propres principes. Mais je comprends, il faut évoluer avec son temps. La situation a bien changé aujourd'hui. En tout cas, mes bons amis, ça me fait plaisir de voir que le gigot vous plaît et que vous avez l'air de ne pas avoir mangé depuis quelques jours. Moi, je ne mange pas un morceau de gigot. D'ailleurs, en effet, vous remarquez que le soldat où il ne mange pas de viande et se récupère simplement des petits bouts de pain qu'il mange en les faisant passer sous sa visière de manière assez succincte. Paladin, la viande ne vous sied pas ? Non, aucunement. J'évite de manger de la viande, tout simplement. Oh. J'en regarde bizarrement. D'accord. J'aurais dû demander à ce qu'elle vous amène de la salade. Oh, je préfère les graines, vous savez. Les graines ? Mais bon, le pain me suffit amplement. Ça en fera plus pour nous. Bon, on la voyait un peu chasseur récupérer un gros morceau et l'apporter à sa bouche. Sinon, qu'est-ce que vous avez à nous raconter alors sur la situation? Vous, de votre côté, en effet, vous avez pu vivre les événements en direct. Vous n'avez pas vu, ni aperçu, ni même entendu clairement ces histoires de spectres, mais vous étiez là le jour où la sorcière a été brûlée sur la place publique. Depuis, ça peut vous arriver d'entendre des gens parler à voix basse, comme quoi certains auraient aperçu le hurleur, le spectre, le fantôme, le revenant, le démon. Mais chacun semble avoir sa petite version différente, c'est difficile de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Toi, Jeanne, je vais te demander de me faire un jet de savoir avec un bonus de 2, pour voir si tu connais quelqu'un en ville qui pourrait... être une source fiable à tes yeux. Donc toi, malheureusement, de ton côté, pour l'instant, tu n'es pas sûr d'avoir une source parfaitement fiable. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as entendu dire, ce sont des messes basses, quelques rumeurs. Le crieur public, éventuellement, a pu en clamer quelques-unes au beau milieu de la foule. Que faites-vous ? Bien, quelle est l'heure de la journée ? Là, on est le soir, c'est ça ? Là, non, vous êtes vers midi, 1h à peu près. D'accord. Bah du coup, je propose qu'on commence les recherches immédiatement. Il n'y a pas raison qu'on traîne plus que ça. Est-ce que vous voulez que je vous emmène vers le bois aux loups ou le bois aux ours ? Bah là où la piste est plus probante, mais comme apparemment cet esprit aime bien se balader entre les deux. Est-ce que vous savez s'il y a une proportion à être plus dans l'un que l'autre ? Bah disons que dernièrement on avait plus idée qu'il se trouverait plus dans le bois aux loups, parce que c'est les derniers faits qui sont passés par là. Après c'est vrai qu'il a tendance un peu à se déplacer, mais dernièrement c'était le bois aux loups. Eh ben allons au bois aux loups, si c'est là que ce sont les dernières traces que nous avons. Allons-y. Très bien, là-dessus, vous finissez de manger. Et vous vous dirigez en direction du bois aux loups. Vous commencez donc par quitter la ville. Enfin, quitter le quartier du Troc. Pour passer par une autre petite porte gardée elle-même par un soldat. Est-ce vous savez, d'ailleurs, vous, surtout toi, Jeanne, qu'il y a environ une dizaine, voire une douzaine de soldats, de gardes en ville, qui sont postés à différents endroits en permanence. Oui. Est-ce qu'on passe par pur hasard devant l'auberge, pas l'auberge, excuse-moi, le temple, ou aller trop loin? L'église, malheureusement, non, a priori, n'est pas sur votre chemin, mais vous pouvez éventuellement faire un petit non, détour. Je prendrai pas le... Si tu as reçu la carte. Oui, oui, j'ai la carte, mais... Oui, d'ailleurs, c'est une abbaye ou c'est une église? C'est une église. Donc, frère Basile n'est que de passage, du coup. Non, en fait, après l'apocalypse, les gens se sont regroupés entre eux. Ce qui fait que, du coup, les populations sont relativement diverses. Et donc, vous avez par exemple, dans d'autres passages, nous avons par exemple eu des moines qui eux-mêmes étaient réunis tous dans la même abbaye. D'accord. Qui a elle-même accueilli, par exemple, des groupes de bandits venus protéger ces dernières. Et ils ont quel ordre ? De civilisation et de civilité commune ont été plus ou moins abandonnées pour laisser cours à quelque chose de beaucoup plus chaotique, mais qui garde quand même une espèce de sens un peu profond, un peu sous-jacent. Et du coup, il est de quel ordre ? Vous en savez rien. D'accord. Bon. Bien, y allons boire l'eau. Pas de souci. Là-dessus, vous passez par-dessus le pont et vous traversez le quartier des pêcheurs. C'est assez marrant d'ailleurs, ces séparations, vous trouvez, vous, nouveaux arrivants dans Acton. Puisque dans le quartier des pêcheurs, vous avez presque l'impression d'arriver dans un endroit complètement différent. Vous y croisez le cliché de ces hommes un peu crasseux, barbus, presque à allure de marin, alors que bon, à part une rivière, vous n'avez pas grand point d'eau à proximité, qui passent leur journée assis les pieds dans l'eau, leurs cannes pointées, en espérant pouvoir ramasser quoi que ce soit. Leurs maigres prises sont, elles, entreposées pas très loin. Et vous en apercevez d'autres qui ont l'air d'être plus des âmes d'explorateurs, qui semblent revenir en empruntant des petits chemins, ou alors la route du bois qui, elle, donne au nord-est. Vous apercevez aussi au loin, prenant au-dessus d'une petite colline, ce qui semble être une vieille forteresse, autour duquel ont été installés plusieurs camps et plusieurs cabanes, on dirait des cabanes de bûcherons, mais trop loin des arbres pour qu'elles ne soient utiles. Il s'agit sans doute là de logements qui ont été improvisés pour quelques voyageurs ou peut-être de nouveaux habitants, qui sait. Vous apercevez des femmes et des enfants en train de jouer autour de la forteresse. Quelques gardes postés à l'entrée. De vieilles tapisseries et de vieux fanions encore brinque-ballants au vent. Qui représentent plus grand-chose. Avec le temps, ils semblent avoir été complètement laissés sans intérêt. Et puis, vous vous rendez au niveau du Bois du Loup. Le chasseur, Edward, et avance en premier, puisque lui, il connaît très bien le coup. Toi, tu t'y rends en effet plusieurs fois, tu essaies d'alterner entre le Bois au Loup et le Bois aux Ours pour y trouver certaines choses. Tu sais que ces derniers, toutefois, peuvent être relativement dangereux. En effet, le Bois au Loup tient son nom des loups qui vivent et le bois aux ours. On raconte qu'il y aurait des ours à l'intérieur, bien que t'en aies jamais vraiment croisé. Après, en réalité, tu sais que ces noms sont surtout là pour le folklore, puisque les loups en soi s'en foutent du bois dans lequel ils se trouvent. Ils se contentent de trouver des cibles faciles et de s'en prendre à ces dernières. Vous rentrez donc à l'intérieur. Vous avez pas de chemin pour vous y rendre. En tout cas, les quelques traces de passage humain s'estompent vite à l'intérieur de toute cette végétation. Déjà que les chemins des grandes routes sont quasiment laissés à l'abandon. Alors ici, vous imaginez bien que il n'y a absolument aucune trace ni aucun signe de vie humaine. Vous marchez donc dans la pénombre des arbres. Assez rapidement, vous perdez le décompte des heures et vous ne sauriez même pas dire où se trouve le soleil. Vous jugez qu'il était aux alentours de 14h, en tout cas du début d'après-midi au moment où vous êtes parti. Mais aussitôt rentré à l'intérieur, aussitôt vous perdez de vue quoi que ce soit. Toi, pour commencer, le chasseur, tu arrives assez facilement à les conduire, en tout cas sur les premières traces, sans trop vous perdre. Je vais quand même te demander un jet de savoir avec un bonus de 2. Malheureusement pour toi, quelque chose semble différent Et tu réalises au bout de peut-être 1 ou 2 heures que tu sais absolument plus où vous êtes. En tout cas, tu saurais retourner au village, mais tu saurais pas dire exactement si vous vous dirigez vers le nord ou l'ouest. Bon, Je en vois. réalité, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Est-ce que tu décides de prévenir les autres? Oui. Ok. Je te laisse leur indiquer comme tu le souhaites alors. Écoutez, mes amis, si c'est comme ça que je vais vous appeler, donc ne me prenez pas mal, hein, si jamais ça vous gêne. Mais le bois au loup a la particularité d'être un bois assez dense et on peut facilement perdre ses repères. Et c'est malheureusement ce qui vient de se passer. Même si j'ai l'habitude de passer dans ces bois, que ce soit le haut loup ou aux ours, il m'arrive parfois de ne plus trop savoir exactement où je vais. Je serai exactement retourné sur nos pas, retourné au village, c'est pas le problème. Mais je ne saurais pas vous dire exactement dans quel secteur du bois on se trouve. Donc vous inquiétez pas. De toute façon, ce qui. Il n'y a pas une localisation spécifique à cette hérésie, hein, si je puis dire. Donc, on est à l'endroit où il faut être, quoi qu'il en soit. Tant qu'on peut retourner à notre point de départ, aucun problème. Oui, Oui, il n'y a pas de là-dessus, souci. clairement, t'es plutôt confiant. Vous voyez que quand je passe, de temps en temps, je fous des coups de hache dans certains arbres. Pour no enfin pour noter les endroits où je suis Ok. passé quoi. Et ça ne leur pas d'attirer les loups? Non, vous inquiétez pas. Même s'il est vrai qu'il y a des loups dans soi, mais en général nous ne sommes pas les proies, ils nous fuient plus qu'autre Elles sont chose. vicieuses. Oui, mais nous sommes nombreux et armés, vous. Je pense que ce sont des bêtes intelligentes. Et surtout avec notre chevalier paladin. Je pense qu'elles n'ont pas se frotter à lui. Au bout de quelques minutes, dizaines de minutes, quart d'heure, demi-heure, peut-être, alors vous savez pas trop, de plus, en tâtonnant un peu plus, malheureusement, ce qui freine un petit peu votre progression au sein de la forêt, je vais vous demander un jet chacun de perception. En tout cas, pour ceux qui réussissent, vous n'entendez absolument rien. À part quelques bruits d'oiseaux, peut-être un chevreuil au loin qui partirait en vous entendant arriver et en entendant les bruits des coups de hache sur les troncs d'arbres. Mais pas de hurlements, pas de fantômes, vous n'apercevez rien non plus. Après tout, vous savez pas trop à quoi vous attendre, puisque personne, en tout cas vous n'avez aucune indication sur ce à quoi il pourrait ressembler. Et en effet, pour préciser, la valeur peut avoir un intérêt à partir du moment si vous faites vraiment un très grand jet, en effet quelque chose au-dessus de 15, c'est vraiment un très très bon jet. De même qu'un échec, justement comme tout à l'heure, un 9, est vraiment pas catastrophique. C'est simplement plus d'un petit obstacle supplémentaire qui peut vous freiner par la suite, mais rien de bien méchant. Malgré tout, à force de marcher, et justement comme ça, de devoir tâtonner, peut-être parfois faire quelques retours en arrière, vous vous retrouvez assez essoufflé et trouvez finalement ce qui semble être une zone un peu plus ouverte. Vous apercevez d'ailleurs désormais à nouveau le soleil, qui est encore plutôt haut dans le ciel. Vous avez encore quelques heures devant vous avant que la nuit ne tombe. Malgré tout, vu que l'hiver approche, vous savez qu'il ne faudra pas trop trop tarder. Et cette espèce de petite clairière où. Enfin, petite clairière. C'est vraiment un petit espace de plusieurs mètres en plein milieu de la forêt avec une petite bûche sur laquelle vous pourriez vous asseoir. Un ou deux cailloux. Malheureusement, c'est pas le coin le plus avenant. Il y a énormément de gadous. Ça fait presque marais. Vous voyez que. À des coins, on dirait que. Vos jambes peuvent s'enfoncer à presque 1 mètre. Un mètre. Non, c'est 50 cm à l'intérieur. C'est une zone qui a l'air du coup relativement humide, ce qui est plutôt logique vu la forêt, en tout cas toi, le chasseur Edward, ça ne te préoccupe pas plus que ça, mais au moins ça vous fait un endroit où vous poser. vous vous arrêtez. Si certains d'entre vous avaient encore quelques vivres avec eux, vous les avez sans doute sortis pour reprendre vos souffles, votre souffle et vos forces. Et si vous voulez, vous pouvez discuter un petit peu de la future marche à suivre, même si vous n'avez pas forcément plus d'informations que ça pour l'instant. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient aborder quelques sujets ? Pas forcément. Je pense que là, pour nous, c'est surtout un tour de repérage, en fait. Parce que nous, on vient d'arriver, on n'a pas forcément les mêmes connaissances qu'eux. Du coup, il faut au moins qu'on ait connaissance des lieux avant de voir ce qu'il en est réellement. Je m'attendais pas, dès l'après-midi, au moment où on arrivait, trouver une piste utile. Donc, oui. Je me laisse surtout guider par le chasseur qui est dans son domaine. Et... D'ailleurs, je vais vous demander chacun un petit jet de nouveau de perception. Tandis que vous essayez peut-être l'un sur l'une des souches d'arbres posées au sol, l'autre sur un rocher, les pieds dans la boue. Le dernier resterait peut-être debout, accoudé à un arbre, et enfin, un autre peut-être sur la souche également. De votre côté, Paladin et Jeanne, vous êtes assis sur la souche d'arbre. Et vous, voyez le chasseur Edouard, lui accoudé contre son arbre, en train de manger un morceau de pain qu'il avait pris avant de partir. Edouard, toi, tu regardes attentivement. Et tu sais, tu as un petit peu l'œil du chasseur. Et même si ton jet n'était pas très élevé, tu remarques quelque chose d'étrange dans la boue, pas très loin. Des traces, des empreintes, mais pas animales, des empreintes humaines. En même moment, avant que tu n'aies le temps de prévenir les autres d'un potentiel danger, peut-être, qui sait, y a-t-il des bandits dans les parages ? Jeanne et Paladin, vous voyez tous les deux une main sortir de la boue et empoigner la jambe de Gunther qui était sur le rocher juste à côté de la vase, du côté un peu marécageux. Gunther, tu entends à peine cette dernière s'enfermer autour de ta jambe. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que je suis cité par rapport à Gunther ? Pardon ? Où est-ce que je suis situé, pardon, par rapport à Gunther ? Tu es à quelques mètres de lui. Très bien. Et les autres, juste pour un peu voir le plan de... Les autres... Les autres également, vous êtes chacun environ 2-3 mètres. Elle est vraiment plutôt petite. Ok. Vu que j'ai traîné quelques heures avec eux, je pose beaucoup de questions, mais... niveau armes, je sais le bûcheron, il a une hache, c'est ça ? Il a une hache et un arc. Et un arc. Oui, et la voleuse, du coup, c'est ? C'est l'arc, c'est ça ? Ouais, un couteau, je crois. Ok. Du coup, je vais hurler. Parler fort. Ce travail, ils sont quand même à côté. Sur le bûcheron et la voleuse. Couper la main ! Et je me jette sur Gunther pour le tirer en Gunther, toi, de ton côté, en effet, en entendant ces mots, tu baisses le regard rapidement. En effet, tu vois une main étriquée sortir de la boue et empoigner ta jambe. Moi, ce que j'ai fait déjà en réagissant là, c'est juste que je me suis débattu du mieux que je pouvais pour m'en défaire. Ok. À ce moment-là, tu vois Paladin se ruer sur toi, en effet, t'empoigner et te tirer. Paladin, tu t'attendais à ce moment-là à sentir une espèce d'énorme résistance derrière. Et étonnamment, tu soulèves Gunther sans trop de difficultés. Et toi, Gunther, tu aperçois, accroché à ta jambe, un bras humain découpé. Et brinque-ballant. À ce moment-là, tu aperçois au milieu de la boue deux yeux s'ouvrir et une silhouette se relever en hurlant. Une espèce de silhouette maigrichonne avec plus qu'un seul bras et qui commence à crier « À l'attaque !» Et à ce moment-là, sortant à peu près des fourrés environnants, vous entendez plusieurs bruits de pas et vous distinguez d'autres silhouettes humaines courir dans votre direction. De ton côté, Edward, tu reconnais quelques visages qui t'étaient familiers, puisqu'il s'agit là d'anciens membres du village qui ont été chassés après avoir été découverts malades. Et d'ailleurs, tu reconnais le visage de celui qui s'était allongé dans la boue. Il s'agissait de Mathieu, qui était un ancien moine et qui avait contracté malheureusement la lèpre. Mathieu. Que faites-vous? Suis-je en gloire? Ah bah... Personnellement, je vais dégainer mon arc et viser directement Mathieu, puisque c'est celui qui est le plus proche de nous. Mais après, il est pas à côté de... Enfin, il est pas tout proche collé à... Ah non, Gunther, pas du tout, le paladin l'a décalé. D'accord, bah du coup je vais tirer sur... Je décoche une flèche et je lui tire. Très bien. Je vais donc te demander de me faire un jet de à distance. Tu empoignes ton arc, commences à bander ce dernier et tire ta flèche en direction de Mathieu, qui, en se la prenant, tombe en arrière et s'écroule dans la vase, inerte. En parallèle, vous voyez l'un d'entre eux. Pardon ? Du coup, la main qui est accrochée à Gunther, du coup, elle est décrochée, elle est comment ? Ah oui, alors elle est toujours accrochée, mais elle semble pas. D'accord, ouais. Moi, je secoue les jambes. Elle est juste. Okay. Oui, c'est ça. Elle juste pendouille. Une quoi. Main de lépreux qui, malheureusement, s'est décrochée lorsque tu as tiré Gunther 3 fois. on est jamais trop prudent. Bien sûr. Mais non, il ne s'agit pas de zombies ou autre, c'était juste. Un piège un peu pourri de gars cachés dans la base. Autour de vous, vous avez un malade avec une dague. Vous en avez un autre qui, lui, empoigne une espèce d'épée longue. Le troisième semble être un ancien bûcheron, puisqu'en tout cas, il arbore le même genre de hache que possède votre ami. Et vous en voyez également un dernier avec un marteau. Que faites-vous ? Un marteau. Un marteau de main. Un marteau, quoi. Comme on peut le voir pour des récits assez classiques de fantasy ou autre. Alors, pour que je sache, est-ce que... Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu comme ça. Est-ce que c'est genre le premier qui parle qui agit, là? Ou est-ce qu'il y a un tour de jeu? Alors, pour l'instant, oui. On pourrait éventuellement faire des jets de réflexes pour savoir qui attaque en premier. Mais vu que pour l'instant, on va dire, ça avait quelques secondes pour réagir. Très bien. Moi j'estime que j'ai joué déjà parce que j'ai tiré. J'ai au moins une question, c'est que mon but principal c'est de protéger Gunther parce qu'il est un peu vieux quand même et je suis plus en forme que lui. Donc je sais qu'en combat je suis son atout principal et du coup je veux savoir qui est proche de nous directement et du coup proche de Gunther. En fait en réalité vu qu'ils vous encerclent, ils sont tous à peu près à égale distance. Imaginez-vous au centre d'une espèce de petite clairière à quelques mètres de vous sortant de derrière les arbres. Plusieurs silhouettes de malades en haillons armés comme ils le peuvent, qui s'apprêtent visiblement à vous dépouiller et qui sait. D'accord. Non, parce que on aurait pu ne pas être au centre du cercle, tu vois. J'aurais pu être proche de nous et. D'accord. Bon. Du coup, ils sont combien en tout, vous voyez pour l'instant, du coup, 4 personnes, puisque la 5e est morte, mais peut-être qu'il y en a-t-il d'autres derrière, vous ne savez pas. Alors, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est un lever de bouclier. 4. Ok. Vous voyez. Dans ce cas, j'ai demandé un jet de défense. Tout à fait. Voilà. Vous voyez Ingvald qui, lui, vous place tous à peu près, on va dire, derrière lui, et tente avec son bouclier de s'apprêter à parer n'importe quelle attaque. 13, c'est parfait. Sachez donc que durant un tour, jusqu'au prochain tour d'Ingvald, l'intégralité parmi vous des personnes qui se trouvent, on va dire, au corps avec lui, auront droit à une armure de 2. Au lieu de 1 ou 0 en fonction de celle que vous avez de base, puisque ce dernier vous protégera. Bon après, je sais pas si je me situe assez loin de. Enfin, c'est proche. Je pense que vous êtes tous à peu près au même endroit. Ok. Qui d'autre fait quoi? Et si je peux vous aider à lire vos compétences. Donc, dans la partie combat, vous avez chacun 4 attaques. La plupart d'entre elles vous demandent. D'utiliser une compétence en particulier, comme par exemple le CAC pour le corps à corps ou à distance ou autre, parfois avec un bonus, parfois vous avez le droit d'ajouter 2 à votre résultat. Et si vous réussissez, vous avez des conséquences, la plupart du temps ce sont des dégâts, mais parfois vous avez des effets bonus. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre? Alors moi je vais aller me chez et déguerpir derrière un arbre. Donc déguerpir derrière un arbre. Ok, très bien. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Pas forcément discret, justement. Si tu veux juste se déplacer... Oh, pour, derrière... Plus pour me mettre en embuscade, quoi. Bah, dans ce cas-là, discrétion va bien. Tu peux quand même faire un jet de discrétion. D'accord. Ah, est-ce que tu veux du coup utiliser ta quatrième compétence, qui est à peu près dans cette idée-là? Oui, c'est... Enfin, je... Ah, voilà. Non. Très bien. Oui, si c'est ça, bah ça marche très bien. Mais écoute, je laisse me faire en effet ton jet de discrétion. Eh bien, écoute, tu vois, tu commences à te déplacer sur le côté, mais malheureusement, les autres semblent t'avoir repéré. Enfin, Gunter, je te laisse faire avec toi également une action, si tu le souhaites. Non, moi, je suis pas du genre à faire une action comme ça. Ok, très bien. Reste sous mon bouclier, c'est bien. Donc en fait, on est à 3 contre 4, c'est en ça. Fait. C'est ça. Non, vous inquiétez pas. Sur ces mots, vous voyez le malade à la dague se ruer sur toi, Ingvald, et tenter de t'asséner une attaque qui s'appelle attaque surprise. J'ai donc un jet de base avec un bonus de 6 à faire. Et si je réussis, étant donné qu'il n'a pas encore effectué cette attaque, c'est la première fois qu'il l'a fait dans le combat, je t'infligerai 5 dégâts. Je fais 3 plus 6, 9, malheureusement c'est un échec. Il se rue sur toi, d'un coup sort une dague que tu n'avais pas vu venir, et tente de te planter le bouclier. Malheureusement cette dernière est prise entre les rayons du soleil, et d'un coup sec du bouclier, tu fais voler sa dague et la fais atterrir à quelques mètres de lui. Pendant ce temps-là, l'homme à l'épée, lui, se dirige en direction de toi, le chasseur, et s'apprête à t'asséner également un violent coup. J'ai également une chance, donc j'ai également un D10 plus 6 à lancer. Je fais 4 plus 6, c'est donc également un échec. Tu arrives à effectuer quelques pas sur le côté et te mets en effet aussi couvert derrière le chevalier. Enfin, le plus courageux de tous, l'homme à la hache, lui, tente de s'en prendre au moine. Avec un smash, avec un bonus de 5. 6 plus 5, ça passe. Il effectue donc une attaque où je dois lancer un des 8 sur notre ami Gunter. Ah. Alors, qui c'est qui m'attaque? Tu l'as avec le marteau? Ouais. La hache. Ah oui, avec la hache. En effet, toi, tu le vois, vu qu'ils se ruent tous sur vous à peu près en même temps, c'est compliqué de tous les parer en même temps. Et à un moment, tu te retournes et tu aperçois juste derrière la silhouette d'un homme avec une hache levée qui s'abat sur toi. Et tu vas me perdre 5 points de vie. Normalement, tu n'as qu'un seul point d'armure, mais grâce à toutefois la compétence de Ingvald qui te porte immédiatement secours et te défend, tu n'en perdras que 3. Il te reste donc 2 points de vie. Tant mieux, parce que j'en avais 5. Ok. Je sais pas si je l'ai dit, mais il fait 1 des 8 dégâts. Ça, je le sais. Enfin, alors que tu te pensais en sécurité, Jeanne, tu aperçois la silhouette du malade avec son marteau. Lui aussi se dirigeait vers toi et tentait d'asséner un coup. J'effectue donc un smash avec un bonus de 4. Je fais 3 plus 4, 7, et c'est un échec. Tu le vois te balayer, essayer de te balayer, mais ton corps relativement petit te permet d'esquiver sans trop de problèmes. Gunter, il te reste encore une action. Que fais-tu? Tu te trouves actuellement au sol. Tu as été blessé par un violent coup de hache. Tu sens tes os craquer sous ce dernier. Je pense que... Couché comme je suis là, je peux pas faire grand chose. Donc je pense que je vais, au mieux si je peux, je vais juste essayer de me reculer loin de l'assaillant. Très bien. Ben, je vais te demander un jet de défense. Ok. Euh, 14, très bien. Tu réussis en effet avec... assez aisément à te mettre en sécurité. Pendant ce temps-là, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quelques temps de réaction, vous avez tenté de vous protéger mutuellement, mais l'un d'entre eux a réussi à percer votre défense et à blesser le moine. C'était pas la cible à abattre, mais bon, Il a décidé de s'en prendre énervé. J'ai quelque chose à faire. Juste une question. Oui. Par rapport à la quatrième, je sais pas comment elle se visualise en fait dans l'univers. Ah, bien sûr. Que je sache. En quelques mots-clés pour aller rapidement. T'inquiète, t'as pas besoin de me faire un roman. Oui, d'accord, donc on est d'accord que là tout de suite n'est pas une bonne idée. D'accord, oui. Tu vois, ça serait un truc qui aurait été sympa de prévenir. C'est vrai, mais c'est cool. Parce que j'étais chaud pour faire ça. Ok. Oh, t'es chelou. Non, du coup, je vais faire un slash. Hein. J'aurais pu faire une cuille de lame, mais je vais faire un slash dans la gueule. Hein. Très bien. Cet homme m'a énervé. L'homme à la hache, là, il est mort. D'accord, tu me fais donc un jet de corps à corps en direction de l'homme à la hache. Tu te jettes sur lui avec ton épée, tu le assènes en effet un violent coup, tu peux me jeter un des 8, sauf si tu veux que je fasse à ta place. Si jamais vous n'avez pas l'aider, je peux le faire pour vous. Non! C'est moi qui me venge. Attends, je vais fixer. Non, là c'était un des 12. Attends, je triche. J'ai de la chance ce soir, putain. Okay. Et j'ai pas encore fait d'échec, non? Si. Malheureusement pour lui, l'homme à la hache n'avait pas d'armure. Tu te jettes donc sur lui et tu lui assènes un violent coup d'épée. Tu vois sa tête rouler au sol et toi, Gunther, elle t'atterrit juste à côté de la tienne. On dirait presque que son regard est plongé dans le tien. Et je hurle, un bon cri de nerf. Comme ça, en plus, je vais attirer dans le temps. Ça va laisser les. Mais après avoir décapité, tu vois. Genre, je le décapite et là, je hurle en regardant les autres. Fais-moi un petit jet de charisme. Ah, merci. Attends, je reprends mon D10. J'ai 5. Ok, il faut que je fasse mon 5. 9. Ah non, mais je suis vénère ce soir. 9. Ah ouais, non, ça me fait 14 du coup. Ok, donc tu te mets à pousser un hurlement et vous autres, vous voyez quelques gars reculer de quelques mètres, un peu hésitant après avoir vu cette action dévastatrice. Sur ce, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je vais enchaîner avec ma hache, puisque du coup, ils sont venus un peu plus au corps à corps par rapport à nous. Et je vais attaquer la personne qui était avec le couteau, qui n'a plus de couteau maintenant puisqu'il est tombé par terre. Okay, oui. Et je vais lui mettre. En effet, tu vois que lui, il était en train de se précipiter pour essayer de le ramasser. Je vais donc te demander de faire un petit jet de corps à corps. Tu te précipites sur lui, tu lèves ta hache et tu lui assènes un violent coup. Tu peux me jeter un petit D8. 4. Et donc nous étions sur l'homme à la dague. Eh bien, c'est suffisant pour également le couper en deux. Et. C'était pas effectivement la bonne musique là. D'un seul coup, voilà, tu le coupes en deux. Et en commençant d'ailleurs par son bras, qui chope sa dague et se sépare aussitôt de son corps, il se retourne vers toi et finit le torse et les jambes d'une part de l'autre du marais. De ton côté, que fais-tu, Jeanne? Oui, du coup, moi je vais utiliser Boom, simplement, et lui asséner un grand coup. Très bien, fais-moi un petit jet de corps à corps. T'essaies de le jeter sur l'homme au marteau qui se trouve devant toi et tu tentes de l'assommer avec ton gourdin. Et malheureusement, t'es trop petit et lui est trop grand, et le coup va juste au-dessus de sa tête. Il tente aussitôt de répliquer avec un smash. Je fais 6 plus 4, 10, et malheureusement, c'est aussi un échec pour lui. Ton coup passe trop bas, et le sien passe trop haut. Nous avons donc droit à un affrontement épique et légendaire à quelques mètres de vous autres. Tandis qu'à côté, des hommes se font découper à... Oh. N'empêche que l'homme à l'épée est toujours debout. Il voulait initialement s'en prendre au moine qui était à terre, mais ce dernier... Et actuellement en train de se défendre et de tenir sa position derrière le rocher. Ce qui le rend intouchable. Il est donc obligé de s'en prendre en parallèle au paladin. Et il tente de t'attaquer avec un slash. Il est en jet avec un 6 et je fais 10. Je fais donc 16. Je peux donc jeter un des 6 de dégâts. Voilà. Je lance plusieurs fois parce que j'ai un des 10. Donc je lance jusqu'à ce que j'ai un résultat égal à 6 ou moins. Et je fais 4. De ton côté, malheureusement, Ingvald, tu sens sa lame passer légèrement lors de son coup à travers une faille à l'intérieur de ton armure. Malheureusement, celle-ci ne couvre pas l'intégralité de ton corps. Tu Tu as toutefois 2 points d'armure, donc tu ne perds que 2 points de vie. Tu sens légèrement ton corps entaillé et le sang commencer à couler, mais la douleur ne semble pas si intense. Gunter, est-ce que tu souhaites effectuer une nouvelle action? Depuis derrière, le derrière ton rocher. Ma situation, sachant que tu n'es pas limité évidemment aux actions que je vous ai prédéfinies. Si jamais tu veux jeter ta canne, même si il n'y a pas écrit jette canne, tu peux le faire. Je lance un caillou. Ouais, mais là tout le monde est tellement au corps à corps que je peux pas me permettre de jeter quelque chose. Mis à part si je veux le faire ricocher sur mon paladin. Je précise également qu'ils sont en haillon et que la plupart d'entre eux n'ont pas de pièces d'armure. Donc si jamais par exemple tu voulais donner un coup dans les jambes pour tenter de le faire tomber ou autre, par derrière, comme un homme courageux que tu es, évidemment que tu pourrais. Enfin, je suis quand même assez proche pour faire ça depuis mon... Tu pourrais en effet, en essayant de te hisser le haut du rocher puisque la clairière est plutôt petite, adresser un coup et pouvoir te recacher derrière immédiatement après. Je pense que je vais faire ça, oui, taper dans les jambes du type pour le faire tomber. Il aura juste un petit malus de 1 point. D'accord. Je laisse me jeter un des 10. Eh bien, parfait. Donc, tu lui donnes un coup de canne et tu le vois trébucher, tomber au sol aussitôt. La tête dans la boue, il rejoint le bras de son copain. Je fais un petit ha. Et aussitôt, vous voyez la silhouette du moine se recacher intégralement derrière son rocher. C'est l'homme à l'épée longue qui l'a fait tomber ? C'est ça. En effet, okay. Il ne reste plus que 2 hommes pour l'instant. Ouais. Bah du coup, si ça ne gêne pas mes amis, parce que tout le monde a joué, je crois, c'est bon. Oui. Bah, je prends mon tour. Et... Oui, tout le monde. Ok. Bah du coup, je veux bien prendre mon tour et utiliser le fait que cet homme soit au sol pour, dans un petit rire amical, essayer de le tuer. Très bien. Tu peux faire un jet de corps à corps, tout simple. Pile. Hein. Tu lèves ton arme. Ça fait 2 fois par contre. Action et tu peux me jeter un des 8. Ok. Bon, c'est moins ouf, j'ai fait 3. 3, sachant qu'il a une armure de 1. Tu lui adresses un violent coup. Mais tu vois qu'en essayant de se défendre, en fait, il roule sur lui-même. Et tu ne le touches que partiellement. Et il atterrit, par contre, au niveau des bottes et des pieds du chasseur. Je te laisse donc me faire oublier au point à corps. Qui va s'empresser de mettre un coup de hache dans la foulée. 11, tu lèves ta hache et je te laisse me jeter également un des 8 de dégâts. Eh ben, c'est triste. 1, 2, ça fait 1. Il a un coup d'armure, tu lèves ta hache et d'un seul coup, tu tranches la semelle de sa botte et tu peux apercevoir distinctement son pied dépassé. Tu sais désormais qu'il ne pourra plus courir sans sentir le poids des cailloux sous ses... Bon, il est dans la boue, c'est pas bien grave, ça ne veut pas gêner. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, Jeanne ? Il y a un mec avec un marteau à côté. Je sais. Je pense que je vais essayer cette fois-ci... Bah, tant pis, l'attaque classique. Je pense que je vais essayer... tu l'avais vu venir, et je vais, donner un coup dans les pattes pour le renverser. Très bien, bah je te laisse me faire un jet de discrétion. En effet, voyant que son visage est trop haut, tu décides de te rabattre sur ses rotules. Tu commences à donner un premier et violent coup qui lui déboîte clairement la jambe. Il commence alors à tomber au sol, et tout de suite, finalement, dans la même action, son visage est tout de suite beaucoup plus apporté. Tu décides de lui décoller la mâchoire avec un violent coup au crâne. Et tu le vois s'effondrer dans une mare de sang, complètement immobile. Parce que malgré son armure, lorsque tu utilises ce coup pour la première fois, puisque tu fais 8 dégâts, ça le termine. Et en effet, non, il ne l'avait pas vu venir. Nous pouvons donc enchaîner sur l'homme à l'épée, qui lui va